Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 33, de la correction fraternelle. La correction fraternelle est un acte de la charité, elle est de précepte, pour tout le monde, même pour les subordonnés à l'égard de leurs supérieurs. Fausse situation du pécheur qui doit la faire. Faut-il l'épargner à celui qu'elle rendra pire? Ordre à suivre. 1. La correction fraternelle est-elle un acte de la charité? La correction fraternelle est ou un acte de charité ou un acte de justice, suivant les circonstances où elle s'accomplit. A-t-elle pour but de remédier à un péché nuisible à son auteur? Elle est un acte de charité à plus juste titre que l'action par laquelle on épargne à quelqu'un une perte extérieure ou une souffrance corporelle. A-t-elle pour fin de remédier à un péché qui porte préjudice à quelqu'un, et surtout à la société? Elle appartient à la justice, dont le devoir est de maintenir l'équité parmi les hommes. 2. La correction fraternelle est-elle de précepte? Saint Augustin a dit, « Si vous négligez de corriger le pécheur, vous devenez pire que lui. » Mais il importe d'observer que la correction fraternelle est un précepte affirmatif, qui n'oblige pas en tout temps et en tout lieu. Les actes des vertus doivent être accomplis en lieu convenable, en temps opportun, et d'une manière appropriée à la fin qu'on se propose. Tel est le précepte de la correction fraternelle. Comme il a pour but de ramener nos frères dans la voie du bien, il n'oblige que suivant la mesure propre à les corriger. Note. L'omission de la correction fraternelle est méritoire, lorsque, par un sentiment de charité, on la reporte à un temps plus favorable, de peur que le pécheur n'en devienne pire ou n'empêche les faibles de s'initier aux pratiques de la piété. Elle est un péché mortel, lorsque, par crainte de l'opinion publique, des peines corporelles ou de la mort, on néglige celle qui est d'obligation. Elle est un péché véniel, quand la crainte ou la cupidité rendent seulement un homme plus lent à l'accomplir. Nous ne sommes point obligés de rechercher les occasions de reprendre nos frères, il suffit des circonstances qui se présentent naturellement. Autrement, nous agirions contrairement à cette parole de l'Esprit Saint, « Ne cherchez pas l'impiété dans la maison du juste, et n'allez pas détruire son repos. » Proverbe 24:15. Fin de la note. 3. La correction fraternelle n'appartient-elle qu'au supérieur? La correction dont l'amélioration du pécheur est le but appartient à tous ceux qui ont la charité, qu'il soit supérieur ou inférieur. Tout homme doué d'un jugement sain et d'une raison droite possède, sous ce rapport, une sorte de supériorité qui lui donne le droit de reprendre ses frères. La correction qui a pour fin le bien public et qui s'exerce quelquefois par la punition du coupable pour détourner les autres hommes du même péché, n'appartient évidemment qu'au supérieur. 4. Est-on tenu de corriger son supérieur? Saint Augustin dit dans l'une de ses règles, « Ayez compassion non seulement de vos égaux, mais encore de votre supérieur, qui se trouve exposé à des dangers d'autant plus grands que son poste est plus élevé. Pour la correction de justice, les inférieurs ne peuvent pas l'exercer vis-à-vis de leur supérieur, mais ils doivent accomplir celle de charité. Ils se souviendront, toutefois, qu'ils ont des mesures à garder, et ils mettront en pratique cette parole de l'apôtre, « Ne reprenez pas un vieillard avec dureté, priez-le comme un père. » 1 Timothée 5:1. Note. Le même apôtre recommande à des inférieurs de corriger leurs supérieurs, quand il écrit, dit Archippe, C'était leur évêque de remplir son ministère. Colossiens 4, 17. S'il y avait péril pour la foi, les inférieurs devraient reprendre publiquement leurs supérieurs, comme saint Paul en donna l'exemple à l'égard de saint Pierre, qui était son chef. Saint Pierre, dit saint Augustin, enseigna, par son exemple, aux hommes chargés de gouverner les autres à ne pas dédaigner les avertissements de leurs inférieurs. Fin de la note. 5. Un pécheur doit-il en corriger un autre? Le droit de corriger le pécheur appartient à tout homme qui possède la lumière d'une raison droite et saine. Mais les péchés dont on est soi-même coupable sont un grand obstacle à l'effet de la correction, ils rendent indigne de remplir un semblable ministère. Ne songeant pas à se sauver lui-même, le pécheur donne à juger, dans la correction, qu'il agit par ostentation et non par charité. De là ce que dit saint Augustin, il n'appartient qu'aux hommes bons et vertueux de reprendre les vices. Chez les méchants, c'est un rôle usurpé. Cette usurpation, toutefois, n'est pas un péché, dès que la correction est faite avec humilité. 6. Doit-on quelquefois omettre la correction dans la crainte que le pécheur n'en devienne pire? La Sainte Écriture nous dit, « Ne reprenez point celui qui se moque, de peur qu'il ne voyisse. » Proverbe 9, 8. Parle-t-on de la correction qui est réservée aux supérieurs et qui emploie la force coercitive pour procurer le bien commun? On ne doit pas l'omettre par la crainte de troubler ou d'indisposer les coupables. Il est juste de recourir au châtiment pour arrêter les désordres de ceux qui ne veulent pas se corriger d'eux-mêmes. Si on ne les corrige pas, on pourvoit du moins au bien commun, en donnant une sanction à la justice et en effrayant par une punition exemplaire les mauvaises passions. S'agit-il de la correction qui a proprement pour but l'amendement du pécheur? Celle-ci doit être omise lorsqu'il est probable que le pécheur la repoussera et tombera par là dans un état pire. Ce qui n'est qu'un moyen pour arriver à une fin et subordonner à la fin elle-même. 7. Est-il nécessaire que l'admonition secrète précède la dénonciation? Quand les péchés sont publics, ils doivent être repris publiquement, selon cette parole de l'apôtre, « Reprenez les pécheurs devant tout le monde, afin d'inspirer aux autres une frayeur salutaire. » 1 Timothée 5, 20. Si les péchés sont cachés, il faut faire une distinction. Quelques-uns nuisent au bien spirituel ou temporel de la société. Par exemple, lorsqu'un homme médite des trames clandestines pour livrer une ville aux ennemis, ou qu'un hérétique cherche en secret à pervertir la foi des fidèles, on doit alors procéder immédiatement à la dénonciation publique. À moins que l'on ait la certitude d'arrêter le mal aussi vite par une admonition secrète. Pour ce qui est des péchés qui ne nuisent qu'à leur auteur et à nous, semblables au médecin du corps qui rend la santé aux malades sans rien amputer, et qui, dans la nécessité, retranche le membre le moins indispensable, celui qui se propose l'amendement de son frère doit, autant que possible, le corriger par des moyens secrets et sauvegarder son honneur. Note. La bonne réputation est utile aux pécheurs, tant dans l'ordre temporel, où l'homme perd tout avec elle, que dans l'ordre spirituel, où souvent la crainte du déshonneur le préserve des péchés auxquels, s'il était diffamé, il se livrerait sans frein. Sa réputation doit encore être ménagée lorsque son déshonneur peut rejaillir sur autrui. Parmi ceux qui portent le nom d'une profession sainte, disait saint Augustin, si un homme est accusé d'un crime à tort ou à raison, on voit les méchants se remuer. intrigué de toute manière pour faire croire qu'il en est de même de tous les autres membres du même corps. Ajoutez que faire connaître le péché de quelqu'un, c'est porter les autres hommes à l'imiter. Fin de la note. 8. L'admonition devant témoin doit-elle précéder la dénonciation? La production des témoins est prescrite ainsi par le Sauveur. Prenez avec vous un ou deux témoins, afin que toute l'affaire, etc. Matthieu 18, 16. Le Seigneur veut que le frère corrige son frère en secret, seul à seul. Voilà le premier terme, le principe. Il veut aussi que le coupable soit corrigé publiquement par la dénonciation à l'Église. Voilà l'autre extrémité, le dernier terme. Entre ces deux extrêmes, il convient de placer l'appellation des témoins. Là, le péché n'est connu que de quelques personnes, qui concourent à l'amendement du coupable, et on épargne à celui-ci l'infamie de la publicité. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.